Frères et sœurs, elle est magnifique cette rencontre entre Jésus et ces deux aveugles. Alors vous voyez Jésus qui est sur la route et qui marche. Alors quand Jésus marche, il marche, hein, ça va vite. C'est un baroudeur, il sillonne toute la Terre Sainte. Alors vous imaginez, il marche vite, 5-6 km heure minimum. Et puis vous avez deux aveugles qui le voient passer, qui ne le voient pas justement, mais qui entendent parler qu'il est là. Mais c'est très étonnant parce que vous voyez, ces aveugles se mettent à sa suite, ils ne voient rien. Mais c'est comme s'ils le voyaient quand même. Ils le suivent. Et donc ils doivent galoper derrière lui, alors qu'ils ne voient rien, ces pauvres aveugles. Vous voyez comme elle est extraordinaire cette rencontre. Ces deux aveugles suivent Jésus sans le voir. Ils le voient sans le voir. Et donc ils le suivent et Jésus, et en criant, hein, « Seigneur, Seigneur, fils de David, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. » Et vous voyez que Jésus, eh bien, contrairement à certaines fois dans l'Évangile, cette fois-ci, il ne s'arrête pas. Il continue. Il ne s'arrête pas, il est en train de marcher, il ne s'arrête pas. Il entend bien ces cris qui sont derrière lui. Et vous voyez, ça c'est une leçon que nous devons retenir de cet Évangile. Jésus, parfois, reste silencieux, continue sa route devant nos prières. Mais nous allons voir pourquoi. Il le fait tout à fait sciemment. Il le fait volontairement, il y a quelque chose derrière qu'il veut attiser en nous. Et nous allons voir très clairement ce qu'il veut faire. Donc Jésus continue sa route, il arrive très certainement à Capharnaüm, ou peut-être dans un village, et on l'invite dans une maison. Il entre dans la maison, et la foule est derrière lui, et puis les gens restent dehors, mais les deux aveugles, eux, entrent dans la maison en même temps que lui, comme s'ils étaient chez eux. Ils entrent, et vous voyez, ils n'ont pas peur d'entrer, de suivre Jésus jusque dans cette maison. Alors vous voyez, cette maison, c'est comme si Jésus entrait chez lui et les aveugles entrent chez Jésus. Ils entrent dans le cœur de Jésus. Et alors vous voyez, Jésus, il n'accueille pas les gens sur rendez-vous, il se laisse faire. Il prend les gens tels qu'ils sont au moment où ils sont là. Et ça, c'est aussi encore une leçon pour nous, vous voyez. Quand nous sommes dans le monde, eh bien, il faut bien comprendre que il y aura des imprévus dans notre vie, des gens qui vont s'approcher de nous, des rencontres qui vont se faire, et Jésus veut passer par là. Il veut aussi toucher les âmes à mesure que nous sommes disponibles. Jésus est disponible, il laisse entrer, allez venez maintenant, entrez, laissez-vous. Je laisse faire. Et il se laisse déranger, il a peut-être envie de se poser quelques minutes après avoir marché si longtemps, envie de manger un bon repas, et non, il se laisse envahir. Et nous devons être pareils, frères et sœurs, dans notre vie. Nous devons laisser les gens nous envahir. Alors il faut être raisonnable. Il faut faire attention de ne pas nous épuiser ou de ne pas nous laisser manger complètement. Mais il faut laisser l'imprévu dans notre vie. Les rencontres, voyez, dans la rue, dans un magasin, dans une file d'attente, quelque part, il y a des rencontres à faire. Et le Seigneur veut passer par ces rencontres. Et c'est comme ça, en laissant l'imprévu dans notre vie, que Dieu va pouvoir agir en nous. Et Jésus, eh bien, laisse agir sa puissance à travers ces deux aveugles qui sont là, qui le suivent depuis longtemps. Il les a écoutés, il les a entendus, puis il a vu que ces aveugles ne lâchaient pas la prise, ils ne lâchent pas le morceau. Alors il se tourne vers eux, il leur dit, croyez-vous que je peux faire cela? Alors voyez, vous avez compris pourquoi Jésus a attendu? Eh bien parce qu'il voulait attiser cette foi. Il voulait voir s'ils avaient vraiment la foi en Jésus. Il voulait voir si vraiment ces gens avaient confiance jusqu'à importuner Jésus. Croyez-vous? Et alors ils répondent, oui Seigneur. Alors c'est un oui franc, massif. Mais Jésus va aller encore plus loin. Il leur touche les yeux, il leur dit, on va bien voir si vous croyez. Qu'il se passe pour vous selon votre foi. Et à ce moment-là, les aveugles sont guéris. C'est l'attestation que oui, les aveugles avaient foi. Vous avez vu, Jésus ne dit pas qu'il se fasse selon la volonté de Dieu. Qu'il se fasse selon votre foi. C'est la foi qui doit permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Dieu veut agir dans nos vies, bien sûr il le veut. Mais il veut que, par-dessus tout, notre foi nous attache à lui. Il veut que notre foi grandisse, que notre attachement à Dieu soit total, que nous soyons dans une attitude de totale dépendance et comme d'esclavage vis-à-vis de la volonté de Dieu. C'est ça qu'il désire, pour pouvoir agir à travers nous dans le monde. Et donc, pensons-y bien. Quand nous posons des questions à Dieu, quand nous lui demandons des choses, « Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, je te prie pour ci, je te prie pour ça. » C'est très bien, c'est très beau, Jésus est très content qu'on lui demande ça. Quelles que soient les demandes, d'ailleurs, sur les petites choses du quotidien. Mais pensons à ça, ce que Jésus nous répond. Eh bien, qu'il se fasse selon ta foi. Et si ça ne se fait pas, c'est que ta foi n'est pas encore assez grande. Alors continue. Continue de prier, continue de demander. Continue. Tant que ta foi ne sera pas assez grande, eh bien, je ne pourrai pas agir. Alors parfois, bien sûr, Jésus ne répond jamais à nos prières de la manière qu'on attendrait. Eh bien là, c'est parce que nous devons nous demander si notre prière est bonne. Parfois, notre prière n'est pas bonne. Alors Jésus n'y répond pas directement, il répond d'une autre manière. En tout cas, vous avez compris ce que Jésus veut nous dire ce matin. Qu'il se fasse pour nous selon notre foi. Alors, soyons dans la foi. Et puis, si Jésus, vous voyez, dit, quand même, il faut en dire un petit mot, ce que Jésus va dire aux aveugles une fois qu'ils sont guéris, il dit, ne le dites surtout à personne. Attention, il leur dit, attention, ne le dites à personne. Parce que, vous voyez, tout ce que Jésus fait dans notre vie ne doit pas forcément être toujours publié sur tous les toits. Il faut faire attention. Il y a des secrets qu'il faut garder pour notre cœur, des grâces que nous avons reçues, qu'il faut garder et ne pas immédiatement révéler à tout le monde. Parce que Jésus, ça empêcherait peut-être Jésus d'agir plus profondément dans notre âme. Et puis parfois le Seigneur nous demande au contraire de témoigner. Parfois il nous demande simplement d'attendre un peu, de laisser cette grâce agir en nous, avant de pouvoir dire tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et aussi, c'est une manière aussi pour nous de nous rappeler que ce que le Seigneur fait à travers nous, tout le bien qu'il fait à travers nous, eh bien nous devons absolument rester très humbles avec ça. Ne pas chercher à le dire. Voilà, le Seigneur agit à travers nous, c'est lui qui agit. C'est pas nous. Notre humanité ne peut pas faire grand-chose. C'est la grâce de Dieu qui agit à travers nous. Alors gardons ça aussi pour nous, pour ne pas nous gonfler d'orgueil. Demandons au Seigneur de nous faire grandir dans la foi, de nous donner cette humilité aussi, d'agir selon sa volonté et de garder ça pour nous, pour ne pas grandir dans l'orgueil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.